French in Action, Lesson 7. Leçon 7, portrait. Une salle de cours, un professeur, des étudiants. Nous allons maintenant faire le portrait du jeune homme de l'histoire, Robert. C'est un Américain, un garçon solide. Vous voulez dire qu'il va être gros ? Mais non, pas du tout. Il est solide, robuste, costaud, mais il n'est pas gros du tout. Il n'a pas de ventre. En fait, Robert est plutôt mince. Il mesure 1m70, 1m71, et il pèse exactement 70 kilos. Il est plus grand que Mireille. Mireille fait 1m63, 1m64 peut-être, pas plus. Avec ses 1m70, Robert est plus grand qu'elle, ou, si vous préférez, elle est moins grande que lui, elle est plus petite que lui. Il est très sportif. Il fait du ski nautique, du surfing, du polo, du football, américain, bien sûr, du basket, du volley, du hand, du hockey, du pâté à roulettes. C'est tout ? Oui, il faut lui laisser un peu de temps pour travailler. Ou pour faire la sieste. Revenons à son portrait physique. Il n'est pas très grand. Il est mince, mais solide. Il a les épaules assez larges et plutôt carrées. Il a le menton carré. Est-ce qu'il va être blond, roux, châtain ou brun ? Blond. Ah, c'est dommage, madame. Je crois que Robert va être brun. Il a les cheveux noirs. Moi, je préfère les cheveux blancs ou gris. C'est plus sérieux, plus distingué. Oui, c'est vrai. Mais Robert est un jeune homme. Il a les cheveux noirs et les sourcils blonds. Des sourcils blonds avec des cheveux noirs ? Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Avec des cheveux noirs, il faut des sourcils noirs. Dommage. Oui, mais c'est comme ça. Robert va avoir les sourcils noirs et épais. Enfin, assez épais. Mais est-ce qu'il va avoir une moustache ? Vous préférez Robert avec ou sans moustache ? Sans ? Très bien. C'est entendu. Robert ne va pas avoir de moustache. Est-ce qu'il va avoir une barbe ? Qu'est-ce que vous préférez ? Avec ? Ou sans ? Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Une barbe ou pas de barbe ? Pas de barbe. Bon, Robert ne va pas avoir de barbe. Et les yeux ? Est-ce qu'il va avoir les yeux bleus ? Non ? Noirs ? Pas vraiment. Il va avoir les yeux marrons. Alors voilà, Robert n'a pas de ventre, pas de barbe, pas de moustache, pas de cheveux blancs, mais il a les épaules larges, les cheveux noirs, les sourcils noirs, les yeux marrons. Voilà pour le physique. Au moral, maintenant. Est-ce qu'il va avoir l'esprit vif, lui aussi ? Non, il va être stupide. Mais non. Il va être intelligent et avoir l'esprit vif, lui aussi. Un peu moins vif que Mireille, peut-être, mais il ne va pas être stupide. Il est sociable, mais il parle moins que Mireille. Il est aussi moins moqueur qu'elle. Il est plus indulgent. En somme, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Ils sont même assez différent. Mireille est plutôt petite, Robert est plus grand. Elle est blonde, il est brun. Elle fait du patin à glace, il fait du patin à roulette. Elle a les yeux bleus, Il a les yeux marrons. Elle est très moqueuse. Il est moins moqueur. Elle est très vive. Il est plus calme. Qu'est-ce que la rencontre va donner? Ah, parce que dans l'histoire, le jeune homme va rencontrer la jeune fille. Oui, peut-être. Ou bien la jeune fille va rencontrer le jeune homme. Tout est possible. Le hasard est si grand.